un gros rhume. Comprendre un message sur le répondeur d'un cabinet médical. Exercice 1. Cabinet médical du docteur Villemont, bonjour. Nous sommes exceptionnellement fermés pour la journée. Vous pouvez vous présenter sans rendez-vous de 8h à 13h30, du lundi au vendredi, à nos consultations de médecine générale. Si vous désirez prendre rendez-vous, vous pouvez nous appeler de 8h à 19h30 en semaine et jusqu'à 14h le samedi. En cas d'urgence, contactez SOS Médecins au 04 54 25 12 12. Ce répondeur ne prend pas de message. Merci.